Comment ça se prononce ? 2. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? 3. Je ne vois pas bien. 4. Je n'entends pas bien. 5. Qu'est-ce que ça veut dire ? 6. Comment on dit en français ? 7. Je ne comprends pas. 8. Comment ça s'écrit ? 9. Vous pouvez parler plus lentement ? 10. Vous pouvez épeler ?